Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super, super grand écran. Bah, dans celle de ma mère aussi. Et même qu'elle reçoit des messages dessus. Bah, moi, mon père, il tape le message direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude ? Au volant, le téléphone multiplie les risques d'accident. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Troisième temps d'une nouvelle série de rediffusions d'été de documentaires de la Fabrique de l'Histoire, une série consacrée cette semaine à une plongée dans les archives. Hier, le documentaire de Séverine Yatar et Séverine Cassard parlait des archives écrites qui témoignaient de l'enfermement et de la détention en asile d'un jeune homme dans la France de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Aujourd'hui, il sera encore question de détention, mais d'archives sonores à propos du procès de Rivonia qui s'est tenu à Pretoria entre novembre 1963 et juin 1964 et dans lequel Nelson Mandela et sept de ses camarades de l'ANC furent condamnés à la prison à perpétuité. Ce procès a été enregistré et les enregistrements ont été récemment restaurés. Et à l'occasion d'un colloque organisé à Johannesburg par l'IFAS Recherche, Victor Massé de Lépiné est allé interroger celles et ceux qui ont permis l'exhumation de ces archives sonores et également leur restauration. Que faire ensuite avec cette masse de documentation? Comment l'inventorier? Comment la restaurer? Comment la société sud-africaine peut-elle percevoir aujourd'hui ce moment clé de son histoire? Ou encore, quelles pistes de recherche ces archives ouvrent-elles pour les chercheurs et les historiens? C'est ce que raconte ce documentaire jusqu'à 10h ce matin, avec les témoignages de Razia Salé, de Sarah Bruchhausen, d'Agnès Magnin, de Nour Niftagodin, de Henri Chamou, de Quentin Geffroy et de Nkwesi Languza. C'est jusqu'à 10h ce matin, les archives du procès de Rivonia, un passé à écouter, une histoire à écrire, des mémoires à réconcilier de Victor Massé de Lépiné et de Anne Fleury. In the Communist Party an awful long time. Number of years. 25 years to be exact. No, sir, I didn't say that. What did you say? I said I was in the Communist Party from 1939 until it was dissolved in 1950. Les archives du procès de Rivonia, un passé à écouter, une histoire à écrire. Victor Massé de Lépiné, Anne Fleury. La première fois que j'ai écouté les enregistrements, j'ai entendu une voix que je ne parvenais pas à identifier, parce que la voix de Mandela, nous la connaissons bien. J'ai entendu cette autre voix et je savais que ce n'était pas non plus celle du juge. Et puis j'ai compris que c'était celle de Bram Fischer, le principal avocat de la défense. C'était vraiment fantastique de pouvoir l'entendre, car vous savez, il est mort il y a longtemps, donc je ne l'avais jamais entendu. Entendre sa voix sortir de l'enregistrement, c'était incroyable. Et bien sûr, on entend aussi la voix de Walter Sisulu, et après celle de Katrada et les autres. La défense évidence va dénier cela emphatiquement, Lord. Il va montrer que l'African National Congress est un mouvement national embrassant all classes of Africans within its ranks, and having the aim of achieving equal political rights for all South Africans. And I called all my colleagues and said, come, listen, you know. J'ai appelé tous mes collègues en leur disant, venez écouter. Vous savez, entendre ce procès, la voix du juge, des avocats de la défense, des accusés, cela nous donne vraiment la chair de poule. Nous avons grandi avec l'ombre de ce procès, planant sur nos vies. Donc entendre tout ça, c'est incroyable. The government should be on the dock for the things that have happened. I don't want any political speeches. You must plead either guilty or not guilty to the charge. I'm not guilty. Dennis Gallagher. Le procès de Rivonia s'est tenu à Pretoria entre novembre 1963 et juin 1964. sur le banc des accusés, Nelson Mandela et 9 de ses camarades du Congrès national africain, le principal parti d'opposition au régime d'apartheid, déclaré hors la loi depuis 1960. 8 d'entre eux furent condamnés à la prison à perpétuité. La redécouverte, la numérisation et la restauration des enregistrements sonores de ces 7 mois d'audience constituent pour l'Afrique du Sud et les Sud-Africains un événement historique. Radia Saleh est archiviste à la Fondation Nelson Mandela à Johannesburg, où elle nous accueille ce 26 septembre 2018 pour une cérémonie officielle de présentation de ses archives restaurées. We would like to welcome and acknowledge those who have traveled from far to be here today, particularly our French partners. Cette soirée marque aussi l'ouverture d'un colloque, Écouter le procès de Rivonia, tribunaux, archives et mouvements de libération, organisé par l'Institut français d'Afrique du Sud et l'Université du Witwatersrand. It is through access, dialogue and imagination that we can build a future that builds on our past. Once again, welcome to the foundation and thank you very much for being here this evening. Can you hear me? I'm really proud and honored to be right here. My name is Henri Chamou. I'm an engineer and a civil servant in France working for the LARA, a research division of the National Center for Scientific Research, CNRS. And first, as an individual, I'm also the inventor of the Archaeophone phonograph, the device you can see here. It was initially designed in order to play the... Henri Chamou, si vous êtes à Johannesburg aujourd'hui pour ce colloque, c'est d'abord parce que vous êtes l'inventeur de l'archéophone. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'archéophone ? Bonjour, l'archéophone, c'est un lecteur de cylindres phonographiques. Initialement, il est destiné à lire les cylindres de cire tels qu'ils étaient produits à la fin du 19e siècle jusque vers 1914. En grand nombre, ces cylindres étaient produits, ils ont disparu. Il fallait créer une machine pour les restituer aujourd'hui sans les abîmer. Et c'est pour ça que j'avais inventé l'archéophone en 1998. Et si je suis à Johannesburg aujourd'hui, c'est qu'avec cet appareil initialement conçu pour lire des cylindres de cire rigide, eh bien, je l'ai adapté pour lire de curieux cylindres souples qu'on nomme les dictabelts et qui ont été le support sonore de l'enregistrement du procès de Rivonia. Du reste, j'ai apporté avec moi quelques dictabelts qui appartiennent à la NARSA, c'est-à-dire les Archives Nationales Audiovisuelles d'Afrique du Sud. Alors vous voyez, 5 manchons en gigogne un peu, à la façon des poupées russes. Chaque manchon est doté d'une petite feuille avec un résumé synoptique. J'ai là dans les mains, donc, Raid versus Raid. Il s'agit donc d'un divorce enregistré sur 5 dictabelts d'à peu près 20 minutes de durée chacun. Voilà des manchons souples qui étaient destinés à être lus entre deux rouleaux tendus et mis en rotation à la façon de ce qu'on voit sur une ponceuse à bande, voilà, pour parler très prosaïquement. Gerrit Wagener travaille à la NARSA, les Archives Nationales Sud-Africaines. Dans le système judiciaire sud-africain, tous les procès étaient enregistrés. L'enjeu de la transparence était important. Il fallait que chacun puisse avoir accès au tribunal et à ses enregistrements. Dans les années 60, on utilisait des dictaphones qui enregistraient sur des dictabelts. Mais il y avait certains procès, comme celui de Rivonia, que l'on jugeait trop sensible pour être directement transféré aux archives. Le ministère de la Justice a donc conservé à part ces enregistrements. Et c'est seulement en 1996, quand la nouvelle loi sur les archives publiques a été adoptée, que les archives nationales ont pu récupérer l'enregistrement de ce procès auprès du ministère de la Justice. Et entre 1996, quand ces archives ont été remises aux nouvelles archives nationales, et le moment où ces archives ont été sorties pour être peut-être numérisées, qu'est-ce qu'on en a fait ? When we went to collect the Quand nous avons récupéré les cartons concernant le procès de Rivonia, nous avons remarqué que la plupart des archives écrites avaient disparu. Il y avait des manques énormes dans les dossiers. Et parce que la technologie des dictabels s'était devenue obsolète, on ne s'est pas préoccupé des archives sonores. Quelques années plus tard, nous avons découvert un ensemble presque complet de dictabels. Et bien sûr, ça nous a semblé important de restaurer, autant que possible, ces enregistrements du procès. Mais ce qu'on a du mal à imaginer ou à concevoir, c'est que ces enregistrements sur dictabels, qui ne sont pas si vieux, on ait perdu toute possibilité de les écouter avant votre adaptation de l'archéophone. Alors, on pourrait toujours les écouter sur un appareil de l'époque. D'ailleurs, ça a été fait pour quelques-uns des dictabels du procès de Rivonia. Mais évidemment, c'est un peu hasardeux, les machines d'époque tombent en panne. Les machines d'époque sont finalement préjudiciables au support sonore. Et c'est d'ailleurs une règle générale. C'est aussi vrai que pour le cylindre de cire. On n'aurait pas idée de jouer un document d'archives sur une machine de l'époque. Je parle du phonographe à cylindre, pour le coup, qui exercerait une pression considérable de la pointe de lecture sur le sillon. Eh bien, dans le cas du dictabelt, il en va de même. C'est donc en France, par un Français, que ces archives ont été numérisées. Pourquoi, comment ? Agnès Magnin, directrice des collections à l'Institut National de l'Audiovisuel. Alors, ça a commencé en 2012, lors d'un séminaire que l'INA a organisé au Cap, autour du traitement des archives audiovisuelles, où des premiers contacts ont donc été pris par les archives nationales sud-africaines, via aussi l'Institut français, pour soumettre une problématique qu'ils avaient, à savoir comment rendre accessibles ces fameux supports de dictabelt, et notamment ces supports du procès de Rivonia, mais il y en a des dizaines de milliers. En 2013, a été signé au Quai d'Orsay à Paris un accord visant à la numérisation, la restauration, la formation des Sud-Africains au traitement de ces archives et à la valorisation du fonds. Les premiers dictabelts sont arrivés à l'INA, donc à Brie-sur-Marne, en 2014, et ont commencé donc d'être traités grâce notamment au partenariat avec le CNRS, donc le laboratoire du LARA de l'ENS de Lyon et Henri Chamou. Donc numérisation, restauration, nouvel accord en 2016 sur la formation, très important puisqu'il s'agissait non pas qu'une institution française prenne en charge d'un bout à l'autre le traitement d'archives du patrimoine sud-africain, mais il s'agissait maintenant de transmettre un savoir-faire et que ensuite les archives nationales puissent poursuivre le traitement de et la mise en accès de ces dictabelts. Thank you so much for your patience. This evening is a bittersweet celebration, but a celebration nonetheless, because it marks the end of a process that was undertaken. La soirée se poursuit à la Nelson Mandela Foundation. L'INA, la NARSA, l'ambassade de France, le Department of Arts and Culture, tout le monde est remercié, le protocole est respecté. Puis, on invite le public à prendre la parole. And very importantly, we're going to be able to hear from you, the audience, about the significance of this process and what it means to you. Thank you so much, Soumaya. Please introduce yourself if you can do so. Okay. Merci à la Fondation Nelson Mandela et à toutes les personnes présentes. Je m'appelle Sylvia Graham et j'ai milité dans le mouvement Fees Must Fall contre l'augmentation des frais d'inscription. J'aimerais vous faire part d'une réflexion inspirée par ce que nous avons entendu aujourd'hui. En tant que militante du mouvement Fees Must Fall, j'ai essayé de réfléchir aux actions que nous avons menées en tant qu'étudiants et au désir de révolte qui nous animait en 2015 et 2016. J'ai essayé de pousser plus loin ma pensée pour comprendre les extrémités auxquelles nous en sommes arrivés pour nous faire entendre. Jamais je n'aurais imaginé que dans un pays démocratique, je ferais l'expérience d'une balle de caoutchouc me perçant la peau. Ni celle de la fumée âcre des gaz lacrymogènes qui m'étouffent et m'aveuglent. Jamais je n'aurais imaginé me trouver un jour dans un tribunal désigné comme l'accusé numéro un. Ces expériences, je les avais seulement vues dans des documentaires, lu dans des textes et des livres, entendu dans les histoires que m'ont raconté mes parents et mes grands-parents. Tout cela parce que moi et d'autres camarades, nous nous battions pour un idéal en lequel nous croyons. Nous avons été et nous continuons d'être désignés comme des délinquants criminels. Simplement parce que nous réclamons l'accès à une chose aussi fondamentale que l'éducation, quelque chose qui nous définit et nous construit en tant que peuple. Écouter le procès de Rivonia nous permet de réfléchir de manière critique en tant que peuple, de mesurer le chemin que nous avons parcouru, de rendre compte des avancées mais aussi des retours en arrière et de reconnaître les sacrifices consentis par ceux qui nous précèdent. Comme cela a été dit plus tôt, il me paraît important de nous appuyer sur ce passé pour rendre le futur meilleur. Merci beaucoup. Je me joins à la voix de mon mari pour remercier tous les participants. Je veux à présent prendre la parole pour défendre nos archives, nos archivistes et nos bibliothèques. Elinor Sisoulou, écrivain, belle-fille de Walter Sisoulou. Qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, voire même négligés. Nous avons vu avec ce projet ce qu'un véritable investissement peut apporter. Ce que la capacité à employer des gens qui peuvent se consacrer pleinement à leur métier permet de faire, et nous devons nous en inspirer. Nos archives sont en difficulté. Ce projet nous rappelle l'importance de l'histoire et de la mémoire. Les étudiants du mouvement FISMUS FALL réclamaient une décolonisation de l'enseignement, et ce projet s'inscrit totalement dans cette idée. Je veux rappeler les différentes manières d'aborder les partenariats et les projets d'échange. Récemment, une entreprise américaine a numérisé les journaux sud-africains depuis 1884, et vend aux institutions sud-africaines le droit d'accès à cette collection numérique. C'est un véritable exemple de néocolonisation. Nous devons profiter de cette occasion pour apprendre et développer de nouvelles compétences. Il ne faut pas que nous retournions à Paris. Peut-être que dans quelques années, quelqu'un souhaitera utiliser les données disponibles sur FISMUS FALL pour écrire l'histoire de ce mouvement, et on ne devrait pas alors avoir à se rendre à l'étranger pour cela. Il faut que nous ayons la technologie ici, et il faut que nous investissions dans cette technologie. Donc une meilleure reconnaissance de nos archivistes et de tous ceux qui travaillent dur dans l'ombre à la Fondation Mandela, ainsi qu'un effort d'investissement, voilà ce que je souhaite. Ces archives suscitent donc des discussions. Nous en aurons d'autres exemples pendant ces quelques jours à Johannesburg. Elles résonnent avec l'actualité sud-africaine et en des termes, indépendance technologique, néocolonialisme, qui semblent avoir une certaine pertinence, une certaine permanence historique. Revenons donc à nos dictabeltes avec Henri Chamou. On pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'Afrique du Sud a choisi un support aussi baroque. Pourquoi pas enregistrer sur des bandes magnétiques, qui étaient alors courantes? Et il y a quelques éléments qui permettent de s'orienter vers une réponse. La maison Dictaphone, qui a donc créé le Dictabelt en 1947, vante les mérites de son produit dans des publicités. Ces publicités insistent bien sur le caractère visible, ineffaçable, de l'enregistrement sonore. Puisqu'au départ, ces choses-là sont destinées à la personne qui dicte un courrier. Et donc, on voit bien l'idée, c'est qu'une secrétaire qui reçoit le dictabelt à transcrire, elle doit le lire, et elle doit repérer tout de suite la plage où se trouve le bon texte à recopier. So, dans la pub, ils disent « visible record, you can't erase accidentally », vous ne pouvez pas effacer de façon accidentelle. Et j'ajouterais, et dans le cadre d'un procès, vous ne pouvez pas faire de montage, vous ne pouvez pas couper, là, vous avez un truc complet, absolu. Et dans la pratique, il semblerait que l'État de Virginie, aux États-Unis, ait été parmi les premiers à s'équiper pour l'enregistrement sonore de procès avec de matériel dictabelt. Alors pourquoi en Afrique du Sud? Et il faut réécouter le procès pour entendre au moins 200 fois le mot « communisme », pour comprendre que c'est peut-être là un intérêt pour les États-Unis d'équiper d'équiper le gouvernement d'apartheid de tout le matériel nécessaire pour continuer sa chasse. Et une résolution de l'ONU qui a dit ce procès est inique, il faut l'arrêter tout de suite. Et une dizaine de pays s'étaient abstenus, dont la France et les États-Unis. Voilà. Est-ce vous que l'on désigne parfois par la lettre K? On ne m'appelle jamais K. Jamais? Non, je ne connais personne qui m'appelle ainsi. Connaissez-vous quelqu'un que l'on désignerait par l'initiale K? Oui. Qui? Monsieur Khrouchtchev. Est-ce que Monsieur Khrouchtchev était à Durban? Je ne sais pas. Est-ce que Monsieur Khrouchtchev était à Johannesburg? Pas que je sache. Donc vous êtes simplement en train de faire rire la cour à mes dépens. Non, vous me demandez si je connais une personne que l'on appellerait K, et je vous réponds. En tout cas, l'ensemble du procès représente pratiquement 600 cylindres souples, rangés dans des enveloppes, elles-mêmes collées sur des pages d'albums, et il y a, je crois, 6 albums au total. On m'a donc donné, Lina m'a remis les albums pratiquement un par un ou deux par deux. Alors ça représente 250 heures. J'ai une comparaison que j'aime bien faire avec un livre audio fameux, l'œuvre complète de Marcel Proust, lu par André Dussolier, ça représente 140 heures à peu près. Quand on sait le volume que ça représente à la recherche du temps perdu, voilà. Et alors ces 256 heures, vous les avez numérisées, et donc pour ça vous les avez intégralement écouté? J'ai dû tout écouter, parce que je devais à la fois écouter et regarder. Parce que y a toujours la possibilité, comme ça se produit parfois avec une reproduction d'un disque vinyle quelconque, la possibilité d'avoir une pointe de lecture qui saute par-dessus deux spires de sillon. Il résulte un manque d'information, un manque. Donc je devais regarder, d'une part, écouter avec la compréhension de l'anglais que j'ai, qui n'est que celle d'un français, voilà. Écouter et chercher la cohérence à l'audition également. Par moments, je me trouvais comme un enfant qui découvre quelque chose dans un grenier de famille, voilà, sans forcément tout comprendre absolument d'emblée, sans forcément tout mesurer. Mais quand même, il y a des choses évidemment qui m'ont touché plus que d'autres. Par exemple, la répétition d'une phrase qu'on entend de plusieurs bouches, celle d'Ahmed Kathrada, de Walter Sisulu, de Dennis Goldberg, I will not disclose any of my friends. Je révélerai aucun des noms de mes amis. Et cette phrase répétée plusieurs fois montre à quel point ces 8 personnes, puisqu'il y avait donc 8 autour avec Mandela, qui ont passé donc 25 à 27 ans de prison, voilà comment ils font corps tous ensemble. Donc ça, c'était quand même globalement quelque chose qu'on ressentait tout de suite. Spécialiste de l'Afrique du Sud contemporaine et de l'histoire des mouvements sociaux, Nour Niftiaroudin dirige le WITS History Workshop qui co-organise le colloque. The Rivonia trial has played an absolutely central role. Le procès de Rivonia occupe une place centrale dans l'imaginaire collectif du pays. Il représente le moment où les personnages clés du mouvement de libération, notamment Nelson Mandela, mais aussi d'autres personnes importantes comme Walter Sisulu, ont été accusés, condamnés et emprisonnés. Le procès constitue donc un vrai tournant dans l'histoire sud-africaine parce qu'il marque la fin des mouvements de masse des années 60 avec l'emprisonnement de leurs principaux responsables, mais aussi parce qu'il permet d'inscrire dans les consciences collectives la figure de Mandela comme leader du mouvement de libération nationale. Par conséquent, la numérisation des archives sonores et le fait qu'elles soient désormais librement accessibles au plus grand nombre est un moment crucial. Jusqu'à présent, tout le monde avait entendu parler du procès de Rivonia. Un grand nombre connaissait le « speech from the dock », ce discours depuis le banc des accusés de Nelson Mandela. Mais seule une poignée de gens avaient eu accès à ces archives. Want to be paid a living wage. Africans want to perform work which they are capable of doing, and not work which the government declares them to be capable of. We want to be allowed to live well. Nelson Mandela, 20 avril 1964. And not be endorsed out of an area because we were not born there. We want to be allowed to own land in places where we work, and not to be obliged to live in rented houses which we can never call our own. À la première audition d'Edicta Belt, ne connaissant rien du procès, j'étais curieux du moment où j'aurais enfin aux oreilles la voix de Mandela. Or, il apparaît qu'il n'a pas fait comme les autres, il n'a pas répondu à un interrogatoire sans fin. Il a choisi une option juridique possible à l'époque, c'était de faire une déposition. Il a donc parlé en tout et pour tout pendant 3h30 durant le procès, le même après-midi, pendant laquelle il fait une magnifique synthèse de la situation de son pays, avec une formation d'avocat. Il expose des choses très clairement, pour dire ce qui ne va pas et ce qui conviendrait de faire, pour rappeler son respect des plus grandes institutions, le Congrès des États-Unis, le gouvernement parlementaire anglais, la Magna Carta, le Bill of Rights, voilà, tout ça dans le cadre d'une réponse pour bien expliquer qu'il n'est pas communiste aussi. Il est obligé de le dire, ça, dans sa déposition. Et de finir par la fameuse phrase « Toute ma vie, je me suis battu pour cet idéal, et le cas échéant, je suis prêt à mourir pour cet idéal. » À la fin de cette phrase exacte, on entend quelques cris étouffés au fond de la salle, et même, si on tend vraiment bien l'oreille, des applaudissements. Très bref. But my lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Yes, which is call accused number 2, Walter Sisulu. For the first time, we will be able to do more than understand the Rabonia trial. Nour Niftiaroudine. Simply from, although it is important. Je crois que pour la première fois, nous sommes en mesure d'analyser ce procès au-delà du seul discours de Nelson Mandela, même s'il est évidemment très important. It means that this key moment can be. Les archives nous donnent accès à des centaines d'heures d'enregistrements de l'époque. Cela veut dire que ce moment clé peut être réinterprété ou mieux compris, notamment par les historiens. Nous avons déjà une étudiante qui a tout écouté et qui prendra la parole au colloque. Je crois que de nouvelles interprétations sont possibles, et c'est tout l'enjeu de la rencontre de cette semaine, à la fois de prendre conscience de l'importance de ce moment et encourager la recherche. 27 septembre 2018, 9h, Université du Witwatersrand, ouverture du colloque. Je n'interviens pas dans le débat de ce matin, vous avez le programme devant vous. Mais je dois néanmoins faire une annonce. Ce matin, les étudiants ont demandé une fermeture de l'université. Donc nous en avons discuté avec Thomas et d'autres, notamment le directeur du département, et nous avons décidé de déplacer le colloque dans les bureaux de l'IFAS. Nous pensons qu'il vaut mieux réagir maintenant qu'attendre. Certains parmi nous pourront vous emmener au nouveau lieu si vous ne savez pas où il se trouve, mais je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, et nous essaierons de commencer d'ici une heure. Merci beaucoup. Yeah, you, Mr. Lucas. It's up to you. We'll follow. But we're going next to Mandela Bridge. Yeah. Yeah, that's all. So we can do it this way or that way. Take us through the shade as much as you can, eh? I'm Baba Laz. C'est donc en cortège qu'étudiants, professeurs, participants et organisateurs du colloque quittent le campus. Quelques centaines de mètres à peine, le temps de passer au pied d'une façade ornée d'un immense portrait de Mandela en bleu sur fond rose, et nous voilà sur Utah Street dans les locaux de l'IFAS. Le colloque peut commencer. Après son intervention dans la première table ronde, nous interrogeons Sarah Bruchhausen. Doctorante au Witz History Workshop, elle a été chargée d'inventorier les 256 heures numérisées par Henri Chameau. 7 mois et 600 pages plus tard, elle nous raconte son travail. Je dirais que ce qui rend ces archives vraiment uniques, c'est qu'elles rendent compte de ce que j'appelle la politique quotidienne du procès de Rivonia. La prise de son obéit à un protocole tellement précis, le greffier fait démarrer l'enregistrement au moment exact où le juge s'assoit et l'arrête dès qu'il y a une interruption. Donc les agitations provoquées par le public, les personnes extérieures à la salle d'audience ou la défense elle-même sont complètement absentes des enregistrements. C'est sans doute toujours le cas quand des fonctionnaires ont à décider de ce qu'ils incluent ou non dans un compte-rendu officiel. Mais ici, ce sont vraiment les aspects les plus spectaculaires de l'histoire qui ont été enlevés, pour ne laisser que les procédures les plus banales, répétitives du procès. Pour moi qui ne suis ni juriste ni historienne du droit, c'était au départ assez déroutant, voire difficile de trouver un intérêt à ces discussions. Mais rapidement, dès que je me suis plongée dans les enregistrements, la subtilité des intonations, la manière dont une question est subrepticement posée différemment, ou l'abandon du titre de quelqu'un, me sont apparus. Par exemple, après la révocation du premier acte d'accusation, le juge n'appelle plus le procureur Dr. Yutar, mais simplement Monsieur Yutar. Et ce non-respect manifeste marque la dissociation à ce moment de la Cour et de l'État. Donc pour moi, les dictabelts ouvrent de nouvelles pistes pour appréhender la politique quotidienne et son importance. Ils ne permettent pas seulement de comprendre ce moment historique, mais plus généralement le fonctionnement même de la politique. Est-ce que les journaux, à l'époque, rendaient compte de ce procès ? Et est-ce qu'il y a un travail qui peut être mené de comparaison entre ce qui a vraiment été dit dans le tribunal et ce que les journaux rapportaient à l'époque ? Oui, c'est tout à fait intéressant. En fait, c'est même devenu un enjeu du procès. Bram Fischer porte ainsi à l'attention du juge différents articles de journaux tirés par exemple du Transvaleur, qui donne le nom des témoins à huis clos au lieu d'en faire mention en tant que Monsieur X ou Monsieur Y. Leurs témoignages sont par ailleurs présentés comme des faits établis, approuvé par la Cour, alors que le jugement n'a pas encore été prononcé. De plus, on trouve dans la littérature consacrée à ce procès un consensus autour de l'idée que les journaux étaient majoritairement hostiles aux prévenus. Et c'est seulement après le speech from the dock, la plaidoirie de Mandela, que s'ouvre brièvement un nouveau cycle médiatique et que le vent commence à tourner en faveur des accusés, au moins dans les opinions exprimées par la communauté blanche. Mais cette littérature ne considère qu'un prisme très réduit de la presse disponible à l'époque et n'approfondit pas vraiment le rôle des autres journaux, notamment les publications plus radicales ou clandestines, éditées par le mouvement de libération nationale. Je crois qu'il y a là matière à faire des comparaisons intéressantes. Vous avez parlé de Mr. X et Mr. Y. Ce sont les deux témoins clés de l'accusation. Bruno Mtolo était Monsieur X et Abel Ntembu, Monsieur Y. Le procureur joue tout un numéro devant la Cour autour du fait que leur nom ne peut être rendu public car leur vie serait immédiatement menacée par les communistes radicaux qui cherchent à éliminer quiconque parlerait contre le mouvement. Cela fait partie de la performance, bien sûr. Mais en même temps, tout le monde s'accorde désormais pour dire que Percy Yutar était en contact permanent avec la presse. Je pense qu'il faisait surtout cela pour impressionner la Cour et mettre l'accent sur la menace potentielle que représentaient ces hommes qui siégeaient calmement et humblement sur le banc d'accusation. Les présenter au contraire comme de dangereux agitateurs. Il voulait montrer que les témoins cherchaient avant tout à se protéger contre ces hommes qui n'agissaient que par ambition personnelle, prêts à sacrifier tout le monde sur l'autel de leur appétit politique. C'est avec le travail de Sarah Bruchhausen dans les mains que Quentin Geffroy s'est chargé, à l'INA, de restaurer ses archives. 18 mois de travail, de difficultés techniques, de choix à effectuer. Ça a été enregistré au Palais de Justice de Pretoria. À cette époque-là, c'est un immense bâtiment, très haut de plafond, composé de bois. Donc le parquet, des fois, il craque un peu. Ça amène beaucoup de réverbération. Et en plus, certains personnages du procès utilisent cette réverbération-là pour vraiment mettre en scène leurs accusations, type Percy Goutard, c'est l'exemple même de mise en scène des accusations, et il utilise vraiment tous ses talents d'orateur pour... il utilise toute la salle, en fait, pour qu'il soit bien audible par tout le monde. Et donc ça, du coup, la réverbération, c'est un des éléments à essayer de conserver le plus possible. The outbuildings were occupied, amongst others, by Nelson Mandela, accused number one, who went under the assumed name of David, Walter Sisulu, accused number two, who likewise assumed another name, Allah, and Ahmed Mohammed Kassadra, accused number five, who followed suit with the name of Pedro. Le problème, c'est que si on décide d'atténuer un peu le souffle il est bon, sur toutes les plages de fréquence, mais il y a vraiment une zone où la réverbération se manifeste plus que dans d'autres. Et si on décide de dessouffler cette partie-là, on enlève la réverbération. Donc on enlève l'effet de salle. Alors justement, vous évoquez les conditions d'enregistrement. Est-ce qu'en écoutant ces archives, les archives brutes, vous avez réussi à comprendre exactement comment ce procès avait été enregistré techniquement ? Alors, on a très peu de connaissances sur... comment c'était dans la salle, parce qu'en fait il n'y a aucun film et très très peu de photos, voire aucune photo qui n'a été prise pendant le procès. Donc on peut penser que, évidemment, le témoin, enfin les témoins plutôt, avaient un micro pour eux. Le président juge Curtis Devet avait lui aussi un micro. À la table des avocats, il devait y avoir un, voire deux micros, parce que c'était quand même des équipes d'avocats, ils étaient plusieurs. Donc on entend souvent des bruits de manipulation de micro, les gens qui se passent le micro, juste par un son monophonique en fait. On arrive à avoir une perspective de son absolument incroyable, parce qu'on entend une salle qui n'est quand même qui est reprise uniquement par les microphones du premier plan. Le premier plan, on va dire, c'est Curtis Devet, Percy Goutard et le témoin ou les accusés. Et la salle, en fait, on arrive à entendre certaines réactions de salle par ces micros-là. Donc ça nous permet de nous imaginer quand même un peu la structure de la pièce et techniquement comment c'était mis en place, comment les gens étaient disposés. If he wishes to make a statement. On my return, my lord, I heard of Mkondo Esizu. Quand on restaure des archives comme celle-là, à quelle problématique spécifique est-ce qu'on se heurte? Vous avez parlé de l'authenticité des archives, Quentin Geffroy. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes, des problèmes peut-être aussi culturels? Il y a toutes sortes de langues qui étaient parlées, par exemple, dans ce procès. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a que quatre langues qui sont parlées pendant ce procès-là, parce que l'Afrique du Sud est composée de beaucoup, beaucoup de dialectes, et beaucoup des témoins parlent Zoulou, ou Xhosa, et ces langues-là ont cette espèce de clic, qui est en fait une consonance, et sur un dictabelt, on peut l'assimiler à un artefact, en fait. Un artefact, c'est-à-dire un défaut. Ça peut être considéré comme un défaut. Des petits clics ou des petits crackles qu'on peut entendre des fois dans les aigus, c'est juste le vieillissement du support. Et si on décide de l'atténuer, on risque de tronquer un mot, en fait, on risque de tronquer une syllabe. Donc il faut vraiment faire attention quand un témoin Zoulou ou Bantu est en train de parler. Ce qui est très intéressant, c'est que ces personnes-là, ces témoins-là ou ces accusés-là, ne sont jamais repris par un microphone. Et du coup, on aura toujours la version de l'interprète qui fera une traduction en anglais. Les autres langues principalement, du coup, parlées pendant le procès, donc c'est l'anglais. Mais parfois... il y a des témoins qui viennent, notamment les agents de ce qu'ils appelaient la Special Branch. La Special Branch, c'est la police politique de l'époque, qui viennent, et eux, ils ne parlent quasiment que Afrikaans. Et en fait, on s'aperçoit que le procureur général et le président se mettent à parler Afrikaans avec eux. Mais alors, par contre, là, il y a une traduction qui est faite, également en anglais pour l'audience. On l'entend, elle est dans le fond de la salle, mais cette personne-là n'est pas reprise par un microphone également. Il y a quelque chose qui frappe, c'est la voix que l'on entend constamment, celle du procureur général, Percy Goutard, avec un ton de voix très particulier, et en particulier une montée chromatique à la fin des phrases. Vous êtes sûr que vous étiez à cet endroit-là, à ce moment-là? Voilà, Percy Goutard parle comme ça, et il insiste bien sur cette montée chromatique, et ça donne quelque chose d'un peu exagéré. Donc ça, on ne peut pas l'oublier. Approve of the sabotage and formation of MK? Et il y a quelqu'un qui s'exprime très rarement, c'est le juge Quartus Devet. Une voix très grave, très posée au contraire. s'exprime très rarement. On croirait entendre un juge débonnaire. En fait, de fait, c'est lui qui a évité la peine de mort aux accusés. Voilà, oui, ça c'est quelque chose qui frappe beaucoup. L'audition de certains témoins secondaires, dont on sent avec une voix faible, timide, avec laquelle ils répondent, qu'eux-mêmes semblent pétrifiés. J'évoque tel paysan qui s'exprime en langue Xhosa, par exemple, qui est traduit à la volée, puisqu'il y a un interprète dans la salle. Eh bien, on voit bien qu'avec sa petite voix, qu'il a peur, tout simplement, comme s'il était lui-même parmi les accusés. Ou encore Katrada, lorsqu'il évoque sa jeunesse et sa visite en Europe. Et je me propose de vous le faire entendre ici. Vous déclarez être né à Schweitzer-Rennecke en 1929. Est-ce là que vous avez été élevé jusqu'à ce que vous entriez à l'école ? Oui, votre honneur, jusqu'à mes 8 ou 9 ans. Ensuite, j'ai dû aller à Johannesburg pour l'école. Et pourquoi cela ? Parce que dans les villages, il n'y avait pas d'école pour les Indiens. Et je ne pouvais aller ni à l'école européenne, ni à l'école africaine. Et en 1951, l'association des étudiants libéraux m'a demandé de me rendre à un congrès international de la jeunesse pour les représenter. Je vois. Quel effet a produit cette visite en Europe ? Un choc ? Votre honneur, pour un non-européen qui vit en Afrique du Sud, aller en Europe, c'est pénétrer un nouveau monde. Ma toute première impression de l'Europe, ce fut la vision à l'aéroport de Londres d'une femme blanche nettoyant le sol. Je pouvais même aller au restaurant prendre une tasse de thé. Voilà, c'était la première fois de sa vie qu'il pouvait entrer dans un restaurant pour prendre une tasse de thé à Londres. Donc ça, j'ai entendu ça, et puis il continue dans un long argumentaire pour évoquer sa visite du camp d'Auschwitz, qu'il a marché sur des ossements humains pour l'occasion, etc. Tout ça pour dire en conclusion, I will not disclose any of my friends. Hier soir, à la Nelson Mandela Foundation, Sarah Bruckhausen, vous avez mis en scène une performance artistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé, puisqu'on va entendre un peu les bruits, mais nous raconter ce que vous avez voulu montrer? C'était une collaboration entre une chercheuse, moi-même, et une troupe de théâtre, autour d'une pièce que nous avons appelée « Depuis le jour de notre arrestation ». Nous avons passé les derniers mois à travailler ensemble sur les archives sonores et écrites, et ce qui a émergé de ce travail collectif, c'est d'abord la question de la traduction et celle de la place des figures de second plan, qui ne faisaient pas directement partie du mouvement politique tel que nous l'entendons, mais qui ont néanmoins joué un rôle dans le procès. Les personnes qui travaillaient à la ferme de Lily's Leaf, par exemple, ou les conducteurs de taxi qui transportaient le matériel de sabotage, et les membres du mouvement, et aussi, comme je le disais, le rôle des traducteurs de la cour. Une chose qui nous a fascinés, par exemple, c'est le témoignage de l'une des domestiques de la ferme de Lily's Leaf, qui a été interrogée durant 3 ou 4 jours. Quand on a cherché à isoler son témoignage prononcé en langue sépédi, eh bien, sur 4 jours de procès, on obtient seulement 6 minutes. Ce qui montre à quel point la voix de ces témoins est recouverte par celle des avocats, des juges, mais surtout par ceux qui les traduisent en anglais. Même moi qui comprends mal la langue Xhosa, je peux saisir que le traducteur en dit beaucoup plus que le témoin, qu'il brode à partir de ce qu'elle dit. Et parfois, c'est l'inverse. Le témoin parle plus longtemps et le traducteur ne fait qu'une seule phrase. Donc, notre performance artistique s'est appuyée sur ces réflexions. Je récite un monologue au cours duquel j'explique ma démarche et mon engagement. Je présente mon travail en insistant sur ses aspects les plus concrets. Mon voyage en voiture de Johannesburg à Pretoria, les longs moments où je suis assise et je ne fais qu'écouter, appuyer sur avance rapide, arrêter, revenir en arrière, me dépatouiller avec tous les bruits de fond qui polluent l'enregistrement et tout le barda. Et les autres performeurs réagissent de manière très libre à partir de ce que je dis et plus généralement à partir de l'idée d'arrestation, d'accusation. Bien entendu, leurs propres interactions avec la police durant le mouvement FISMUS FALL, bien que radicalement différentes en termes de contexte, on nourrit leur recherche de mouvement, leur tentative d'exprimer, sans mots, l'expérience même de l'arrestation que suggèrent les dictabelts. Ils ne cherchent pas à faire une représentation littérale. Dans leur démarche artistique, cela n'a pas de sens de prétendre incarner une personne du passé qui a réellement vécu. Cela paraît presque amoral. C'est vraiment une question que l'on s'est posée. Comment éviter la prétention à faire revivre la voix de ces femmes opprimées ? Ce qui me paraît important, c'est que tant que je suis là, présente, que je m'expose en tant que parole située, avec les limites du langage qui sont les miennes, je ne peux plus me poser en voie d'autorité qui recouvrirait celle du passé. Je suis dans l'interprétation pure, une interprétation subjective, influencée par mes propres expériences. Nour Niftiaroudi. Je n'ai pas encore écouté les archives sonores numérisées, mais j'ai consulté les rapports rédigés par Sarah, notre étudiante. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est les aspects politiques derrière les principaux protagonistes. Et la chose qui m'a le plus frappé, même si je ne suis pas sûr que cela intéressera tout le monde, ce sont les échanges entre les sténographes, les femmes qui prennent des notes. Elles se parlent en afrikaans et font des commentaires sur les accusés noirs, mais aussi sur les noirs qui assistent au procès. J'ai trouvé cela particulièrement intéressant parce que cela montre que derrière les processus judiciaires officiels, les interrogatoires et les discours politiques, il y a aussi des blancs qui interprètent avec leurs propres mots ce qui se passe. Et ces échanges sont révélateurs des impressions de la société blanche de l'époque. Pour ces femmes, ce procès est éminemment important parce que dans leur esprit, ces soi-disant terroristes noirs, ces leaders du mouvement de libération des Noirs, essaient véritablement de renverser leur autorité et leurs privilèges de blancs. Entre leur arrestation plusieurs années auparavant et la fin du procès, la possibilité qu'ils soient exécutés demeure. La sentence peut très bien être une condamnation à mort. Et ces interactions révèlent vraiment les peurs, les angoisses de la société blanche. Et c'est en cela qu'elles me paraissent extrêmement intéressantes. La deuxième chose qui m'a intéressé, et cela tient vraiment à la particularité des archives sonores, ce sont tous ces bruits captés par accident, notamment de la part des soutiens des accusés, et la manière dont ils interagissent avec le procès par des acclamations, par la tristesse. Ces moments d'émotion, ces moments politiques sont désormais audibles. Ils permettent de saisir la dimension dramatique du procès. Et j'espère vraiment que les historiens qui se pencheront bien entendu sur les grands moments politiques du procès s'intéresseront aussi à ce qui se passe entre les grands moments et tiendront compte de ces dimensions quotidiennes et affectives du procès. Kwankwasi Languza, directeur du service des archives sonores à la NARSA. There's a speech that was made by a young lady yesterday who said she was part of the Fils Must Fall movement. Une jeune femme a parlé hier, disant qu'elle avait fait partie du mouvement Fils Must Fall. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elle disait que jamais elle n'aurait imaginé se retrouver à un moment de sa vie au tribunal. Une partie de ce que l'on a connu à l'époque de Mandela continue de se produire en Afrique du Sud. Tout l'enjeu du projet de numérisation est de redonner de l'espoir à l'Afrique du Sud et même ailleurs dans le monde. Personne n'est au pouvoir indéfiniment. Et peu importe ce qui arrive, nous, les Sud-Africains, nous continuerons d'avancer d'une manière ou d'une autre. Aux archives nationales, nous jouons notre rôle en rendant ces archives accessibles afin qu'elles puissent être écoutées partout. Parce que même si toutes ces histoires ont été racontées, il y a des personnes qui n'y croyaient pas. Mais maintenant, il y a une référence. On peut désormais dire, nous en avions entendu parler, nous ne pensions pas que c'était possible, mais les preuves existent. Je pense que le procès de Rivonia constitue un bon point de départ pour les nouvelles recherches. Merci à Radzia Saleh, Agnès Manien, Sarah Bruchhausen, Nour Niftiaroudine, Henri Chamou, Rerit Wagener, Quentin Geffroy et Nkwenkwenzi Languza. Merci également à Thomas Vernet et à toute l'équipe de l'IFAS Recherche, à Brenda Kotze des Archives Nationales Sud-Africaines et à Brice Amourou de l'INA. Traduction lue par Mélodie Auru et Christophe Brault. Prise de son Hélène Langlois et Manu Couturier. Mixage Sébastien Royer. Les archives du procès de Rivonia, un passé à écouter, une histoire à écrire. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury. Que faire d'archives sonores? C'est la question que posait le documentaire de ce matin, signé Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury. Demain, une historienne nous racontera comment elle travaille avec des archives écrites, en particulier celles de la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit d'Arlette Farge dans un documentaire signé Séverine Yattard et Séverine Cassard.